famille. La famille. La famille est comparable à une chaîne d'or où chaque maillon la famille considère la valeur de l'autre. Et quels que soient les choix et les peines, l'amour et le pardon sont toujours présents. Toujours présents. La famille est un lien sacré. Lien sacré. Et mérite d'être choyée et préservée. Contre les vicissitudes de la vie. De la vie. L'orage et le beau temps. Traverse souvent ses maillons. Cependant, ils restent toujours unis. Car au sein de la famille, la règle d'or c'est l'amour. Oh, l'amour. Et l'amour est le lien le plus fort.